nuit tombe calme et profond. Près de ce qu'il veille près au front, les étoiles guident ses pas. Dans l'ombre dense, rien ne se perd. Le vent fredonne un vieux refrain, une promesse gravée dans le lointain. Les bas se ferment, chaque serrure claque. La team s'active, jamais ne craque. Les pièges se tendent, la garde est serrée. Dans ce monde sauvage, la peur est chassée. Chaque pas est calculé, chaque regard précis. Dans cette nuit noire, le silence est pris. Les murmures des feuilles portent les secrets. Radir ce qu'elles chantent, fidèle et discret. Le grain continue. Pacte solidaire. Veille du guerrier, la nuit est sacrée. Riders qui guident la team armée. Chaque bataille est un serment. Dans Russe, la survie et le firmament. Tu es, la lutte va finir. Les sabots frappent, la survie est...